Ésaïe chapitre 41. Ils, faites-moi silence, et que les peuples prennent de nouvelles forces, qu'ils approchent, et qu'alors ils parlent, allons ensemble en jugement. Qui est celui qui a fait lever de l'Orient la justice? Qui l'a appelé, afin qu'elle le suivît pas à pas? Qui a soumis à son commandement les nations, lui a fait avoir domination sur les rois, et les a livrés à son épée, comme de la poussière, et à son arc, comme de la paille poussée par le vent? Il les a poursuivis, et il est passé en paix par le chemin, auquel il n'était point entré de ses pieds. Qui est celui qui a opéré et fait ces choses? C'est celui qui a appelé les âges dès le commencement. Moi, l'Éternel, je suis le premier, et je suis avec les derniers. Les îles ont vu, et ont eu crainte, les bouts de la terre ont été effrayés, ils se sont approchés et sont venus. Chacun a aidé à son prochain, et a dit à son frère, fortifie-toi. L'ouvrier a encouragé le fondeur, celui qui frappe doucement du marteau, encourage celui qui frappe sur l'enclume, et dit, cela est bon pour souder, puis il le fait tenir avec des clous, afin qu'il ne bouge point. Mais toi, Israël, tu es mon serviteur, et toi, Jacob, tu es celui que j'ai élu, la race d'Abraham qui m'a aimé. Car je t'ai pris des bouts de la terre, je t'ai appelé, en te préférant aux plus excellents qui sont en elle, et je t'ai dit, c'est toi qui es mon serviteur, je t'ai élu, et je ne t'ai point rejeté. Ne crains point, car je suis avec toi, ne sois point étonné, car je suis ton Dieu, je t'ai fortifié, et je t'ai aidé, même je t'ai maintenu par la dextre de ma justice. Voici, tous ceux qui sont indignés contre toi, seront honteux et confus, ils seront réduits à néant, et les hommes qui ont querelle avec toi périront. Tu chercheras les hommes qui ont querelle avec toi, et tu ne les trouveras point, ils seront réduits à néant, et ceux qui te font la guerre, seront comme ce qui n'est plus. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, soutenant ta main droite, celui qui te dit, ne crains point, c'est moi qui t'ai aidé. Ne crains point, vermisseau de Jacob, homme mortel d'Israël, je t'aiderai, dit l'Éternel, et ton défenseur c'est le Saint d'Israël. Voici, je te ferai être comme une herse pointue toute neuve, ayant des dents, tu fouleras les montagnes et les menuiseras, et tu rendras les côtes semblables à de la balle. Tu les banneras, et le vent les emportera, et le tourbillon les dispersera, mais tu t'égayeras en l'Éternel, tu te glorifieras au sein d'Israël. Quant aux affligés et aux misérables qui cherchent des eaux, et n'en ont point, la langue desquels est tellement altérée qu'elle n'en peut plus, moi, l'Éternel, je les exaucerai, moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai point. Je ferai sourdre des fleuves dans les lieux haut élevés, et des fontaines au milieu des vallées, je réduirai le désert en des étangs d'eau, et la terre sèche en des sources d'eau. Je ferai croître au désert le cèdre, le pin, le myrte, et l'olivier, je mettrai aux landes le sapin, l'orme et le buis ensemble. Afin qu'on voit, qu'on sache, qu'on pense, et qu'on entende pareillement, que la main de l'Éternel a fait cela, et que le Saint d'Israël a créé cela. Produisez votre procès, dit l'Éternel, et mettez en avant les fondements de votre cause, dit le roi de Jacob. Qu'on les amène, et qu'ils nous déclarent les choses qui arriveront, déclarez-nous que veulent dire les choses qui ont été auparavant, et nous y prendrons garde, et nous saurons leur issue, ou faites-nous entendre ce qui est prêt à arriver. Déclarez les choses qui doivent arriver ci-après, et nous saurons que vous êtes Dieu, faites aussi du bien ou du mal, et nous en serons tout étonnés, puis nous regarderons ensemble. Voici, vous êtes de rien, et ce que vous faites est donné à, celui qui vous choisit n'est qu'abomination. Je l'ai suscité d'Aquilon, et il viendra, il réclamera mon nom de devers le soleil levant, et marchera sur les magistrats comme sur le mortier, et les foulera comme le potier foule la boue. Qui est celui qui a déclaré ces choses dès le commencement, afin que nous le connaissions, et dès auparavant, et nous dirons qu'il est juste? Mais il n'y a personne qui les déclare, même il n'y a personne qui les donne à entendre, même il n'y a personne qui entende vos paroles. Le premier sera pour Sion, disant, voici, les voici. Et je donnerai quelqu'un à Jérusalem qui annoncera de bonnes nouvelles. J'ai regardé, et il n'y avait point d'homme notable, même entre ceux-là, et il n'y avait aucun homme de conseil, je les ai aussi interrogés, afin qu'ils répondissent quelque chose. Voici, quant à eux tous, Leurs œuvres ne sont que vanité, une chose de néant, leurs idoles de fonte sont du vent et de la confusion.